tentures s'élèvent une à une. L'or, le pourpre, l'un. Car même la beauté visible peut annoncer l'invisible divin. Tout ce que tu demandes est façonné pour ta gloire. Tu dresses un lieu pour l'art. Le ciel touche la poussière, et même les murs deviennent une prière quand ta présence les traverse.